Tout ce que la vie nous donne, aujourd'hui je l'ai perdu. Tout ce que la vie nous donne, aujourd'hui je l'ai perdu. ATK, Antilope, Apocalypse, les feuilles blanches pour Exutoire. Feuilles blanches pour Exutoire. Je lâche nuet, texte enragé, socialement engagé, approuvé à forte majorité dans les quartiers déshérités où l'allégresse est rare et les traits de faciès durcis par la vie. Poème au contenu subversif, rien à foutre des préavis, des hauts placés perplexes du CSA. Si ça vous la mettre, exacerber mes textes pour qu'on m'entende, ça je veux me le permettre. Dieu de mes 20 berges, la vision large, transcrit tout ce qui me passe par la tête. J'suis pas de victime d'iniquité, à ce putain de violeur acquitté. Les bénédicités du soir servent à garder le moral, car les réponses d'éternel se font rares. Comme une fable sans monde moral, les feuilles blanches sont mes exutoires. J'y vais franco sans inhibition, je fais partie de l'engeance pour eux. Mais je bombe le torse, sinon frustration. M'abstenir, taire les feuilles, je peux pas. Faut que je crache tous les pépins. Ce que mon cœur contient, la souffrance des miens, Dieu seul sait combien j'y tiens. Taciturne, moi jamais, j'ai trop de choses à dire, trop d'amertume. Issu des bitumes crasseux, moi je viens revendiquer, m'insurger. Avec des discours engagés, rien à pas de la peine, je peux purger. ATK. Max de phase, cyanure, apocalypse, DJ tactile, ATK, 9-9.